d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Television Television, un médecin soigne un cas désespéré grâce à la série Dr. House. Dans Segment Geek, Cyrix ThyssenKrupp invente l'ascenseur qui bouge à la verticale et à l'horizontale. Dans Merci Science, des hologrammes invisibles mais palpables. Tout ça est la suite de la série musicale DKC Mixtape 94. On Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, tout de suite. Et voici celui qui vous palperait l'hologramme n'importe quand, Mathieu Plante! Moi, je suis inspecteur officiel de ces hologrammes-là. Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui à l'émission, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, le segment Geek CNX, c'est un fait Tech Edition, et la chronique de sciences, technologies et médecine, merci science. On va aussi continuer notre nouvelle série musicale, DKC Mixtape 94, sur la musique de la série Donkey Kong Country. Mais avant ça, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et on commence avec ce qu'on appelle ici, en tout cas, la personne qui a fait la pièce... dit du chiptune pirate metal. Ok, donc écoutons Rainbow Dragon Eyes. Voici Dreaded 8-Bit Skies au 89.1 FM. C'est fou! Rainbow Dragon Eyes avec une pièce originellement par Lagerstein. C'était Dreaded Skies, mais ici nommé Dreaded 8-Bit Skies. Au Mathieu Plancho, j'ai adoré ça. Et comme je disais avant la pièce, c'était du chiptune pirate metal, en effet, du metal avec des pirates. Puis la musique de jeux vidéo, c'est pas mal du chiptune pirate metal. Il n'y a pas de meilleure description que ça. Ça nous amène à Television. C'est Television, la chronique où on parle de télévision. Et on commence au Québec, comme on le fait toujours, avec la grosse nouvelle du moment. C'est la nouvelle série de Super Écran. En fait, les nombreuses nouvelles séries de Super Écran qui se lancent dans la production d'émissions originales québécoises. Donc, bonne nouvelle pour l'industrie de la fiction télévisée au Québec. Super Écran se lance dans la diffusion de séries québécoises originales, deux comédies et une série dramatique, nous dit Le Soleil. Donc, c'est prévu en 2015 pour les abonnés des quatre chaînes payantes de Bell. On commence avec la plus importante, je pense, en tout cas, parce que c'est la seule qui a été vraiment révélé jusqu'à maintenant. C'est Patrice Lemieux 24-7 qui va être diffusé en mai prochain et qui va entrer dans l'intimité du hockeyeur créé par Daniel Savoie. Le grand amateur de hockey, Louis Morissette produit la série de 10 épisodes de 30 minutes en plus d'y tenir un petit rôle. C'est Marc Bergevin de l'équipe de Lemieux, alors que Patrice Robitaille va jouer son agent. L'intérêt de Louis Morissette pour un tel concept remonté au Bye Bye de 2012. Vous vous souvenez sûrement des sketchs qui montraient Patrice Lemieux avec sa femme, jouée par Véronique Loutier et ses enfants. Daniel était sous contrat avec TVA à ce moment-là parce qu'il voyait du potentiel pour faire une série. Comme les projets de Daniel Savoie n'aboutissaient pas là-bas chez TVA, Louis Morissette et lui ont négocié avec le réseau, le vrai réseau, l'été dernier pour lui permettre d'aller voir ailleurs. Dans la série, Patrice Lemieux va faire partie de l'équipe de hockey de Montréal. On nommera pas évidemment les Canadiens de Montréal, ça n'existe pas dans ce monde-là. Il va devoir se tenir hors de la patinoire en raison de multiples commotions cérébrales. Daniel Savoie qui va conserver son accent de joueur qui a trop longtemps visité les États-Unis. Comme l'indique le titre, Patrice Lemieux 24-7 prendra la forme d'un faux docu-réalité dans l'esprit de 24CH à RDS et de la série 24-7 sur HBO, mais aussi de la comédie américaine Famille Moderne, Modern Family, où les personnages s'adressent directement à la caméra, un peu à la Ramdam. Des auditions auront lieu prochainement pour jouer le rôle de l'épouse de Patrice Lemieux, parce que, bon, évidemment, ce sera pas Véronique Loutier quand même, on n'ira pas jusque-là. Au texte, Daniel Savoie va pouvoir compter sur des auteurs chevronnés, dont François Camiran, René Brisebois et Louis-Philippe Rivard. Ce nouveau projet confirme l'intention de Louis Morissette, le producteur, de se concentrer uniquement sur les fictions chez KOTV, qui est sa boîte de production. Il vient de faire l'acquisition, d'ailleurs, des productions Marie Brissette, qui sont derrière Les Appendices. Dès son arrivée comme grand patron de la programmation des chaînes spécialisées et payantes chez Bell Media, Mario Clément avait l'intention de lancer Super Écran dans la diffusion de fictions originales, comme le font HBO et Showtime aux États-Unis. La deuxième comédie sera diffusée en juin, alors que la série dramatique est prévue pour l'automne prochain. Le diffuseur n'a pas encore fourni de détails sur les deux projets qui nécessitent encore d'importants investissements. J'aime l'idée d'avoir du contenu québécois, bien sûr, sur une chaîne spécialisée comme celle-là, ce qui justifie l'achat de la chaîne, parce qu'en tant que tel, des films qui jouent en boucle, c'est pas vraiment justifiable de payer une quinzaine de dollars pour ça. J'aimerais vraiment qu'ils changent le principe de Super Écran pour justement pas avoir à payer pour une espèce de gros bundle, un bouquet de chaînes qu'on regarde jamais, on regarde juste Super Écran de tout court. En tout cas, si c'était le cas, comme un peu comme HBO fait, mais en même temps, HBO fait la même chose aux États-Unis avec leur emballage préfet de chaîne. J'aime pas le concept de ces chaînes-là du tout. Ensuite, on passe au Québec, mais même au Canada francophone, je vous dirais plus. C'est rare qu'on aborde le sujet du Canada francophone en général. Mais les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle vont pouvoir compter dès le 16 décembre sur la nouvelle chaîne généraliste Ami Télé, qui entrera en ondes cette journée-là sur le service de base. Basée au centre-ville de la métropole, Ami Télé est la toute première chaîne francophone dont la programmation est accompagnée d'une description narrative intégrée à l'ensemble de ses émissions, ce qu'on appelle communément la vidéo-description. Vous avez certainement déjà vu votre intro d'émission préférée gâchée par la mention d'un annonceur qui dit « Cette émission est disponible en vidéo-description ». Donc, au menu d'Ami Télé, on retrouvera des productions locales et étrangères, des séries, du cinéma, des émissions jeunesse et d'affaires publiques. C'est au printemps que la chaîne va proposer ses propres productions originales. Au Canada, quelques 5 millions de personnes sont soit aveugles, malvoyantes, sourdes, malentendantes, à mobilité réduite ou encore incapables de lire les textes imprimés. Et Ami Télé va s'intégrer au service de base des câbles distributeurs et des télévisions par satellite. Ami Télé fait partie du groupe Accessibilité Média, donc AMI, qui exploite aussi AMI TV et AMI Audio en anglais, ainsi que les sites internet AMI.ca et AmiTélé.ca. C'est une excellente nouvelle, bien sûr, pour inclure le plus de gens possible dans notre petite manie qui est de regarder la télé. parlant de la manie de regarder la télé, c'est ce qui m'amène à parler de Crave TV, qui est un nouveau service par abonnement chez Bell. Et vous allez voir pourquoi je mentionne ça comme ça, parce qu'il y a une citation assez croustillante d'un responsable chez Bell. Donc, le compétiteur de diffusion en continu donc de Bell, ça va être une alternative à Netflix et ShowMe chez Shaw, qui va lancer donc pour tous les amoureux de la télé la semaine prochaine, dans les prochains jours en tout cas, dans les prochains jours. Oui, à la moitié du prix environ. Mais par contre, l'idée, c'est qu'il faut avoir absolument une inscription à Bell Télé, à Eastlink ou encore à TELUS Optik TV. Et c'est pas disponible à ceux qui ont, comme on dit communément, coupé le cordon, coupé le fil de la télévision pour regarder seulement la télé sur Internet. C'est de plus en plus populaire, particulièrement aux États-Unis, de couper le cordon. Donc, Crave TV va devenir disponible à partir du 11 décembre. Donc, c'est jeudi. Jeudi. Pour 4$ par mois, avec l'accès à plus de 300 titres, dont The Big Bang Theory, Corner Gas, l'émission canadienne, Cache ta joie, Entourage, Homeland, Orphan Black, Seinfeld, Sex and New York, Les Sopranos et Surécoute The Wire. Donc, le contenu qui va être disponible via les boîtes de vos câbles distributeurs préférés sur CraveTV.ca et sur Apple et Android. La compagnie n'est pas bloquée contractuellement d'offrir Crave TV aux coupeux de cordon, ou ceux qui ont juste jamais eu de cordon, ceux qui ne paient pas pour un abonnement à la télé. Donc, ils disent chez Bell qu'ils vont pas nécessairement faire ça maintenant, qu'ils ont pas dit non à ça non plus, ça pourrait venir plus tard. Mais pour l'instant, Bell veut focusser sur les 90% de Canadiens qui ont un abonnement à la télé. Et c'est là que la citation arrive. Je cite, « Les 10% qui ne sont pas inscrits à la télé ne sont pas des amoureux de la télé en général. » J'ai jamais vu une pire niaiserie, je veux dire, dans le domaine de la télévision. Je veux dire, c'est pas parce que tu payes pas pour le câble que tu regardes pas une shitload de télé. T'en regardes peut-être même probablement plus que monsieur et madame tout le monde qui se paye un abonnement au câble pour garder la voix. T'sais? Donc non, il y a Netflix, il y a les torrents, il y a les DVD, les coffrets, il y a les Blu-ray. Il y a beaucoup, beaucoup plus que juste Bell TV dans la vie. Désolé. Donc Rogers et Shaw qui ont récemment lancé leur système, leur produit de diffusion en continu, ShowMe, pour 9$ par mois à leurs clients. Mais eux, par contre, ne forcent pas l'abonnement à la télé, donc tu peux avoir seulement ShowMe. Netflix, présentement, est 8$ par mois, prévoit augmenter ses prix à 9$ par mois très bientôt, dans les prochains mois. Donc c'est sûr que Bell, c'est 4$ de moins, sauf que Bell, c'est LE service, ou peut-être avec Shaw, dans le top 2 des plus chers services qui sont disponibles pour nous au Québec. C'est atrocement, outrageusement cher, Bell TV, vous le savez si vous avez magasiné un peu les prix. Donc 4$ par mois, en plus de ça, pour regarder des émissions pour lesquelles tu payes déjà sur ta TV, non merci. Maintenant, un médecin soigne un cas désespéré grâce à la série Dr. House. Dr. House, ou encore House MD en anglais. Donc, une insuffisance cardiaque aussi sévère qu'inexplicable, une fièvre d'origine inconnue, une inquiétante déficience visuelle et auditive, une mystérieuse inflammation de l'œsophage. Le cas de cet Allemand de 55 ans sans antécédent médical sérieux restait un mystère pour la médecine. Jusqu'à ce qu'un professeur de la clinique universitaire de Marbourg, Jorgen Hartscheffer, fasse le rapprochement avec un épisode de la série américaine House MD, dans lequel il était évoqué un cas improbable d'empoisonnement au cobalt. Donc, je cite, « À la recherche d'une cause combinant tous ces symptômes et se souvenant d'un épisode de la série télé House MD, épisode 11, saison 7, Family Practice, que nous avions utilisé comme matériel pédagogique pour des étudiants en médecine, nous avons suspecté une intoxication au cobalt. » C'est ce qu'explique un professeur dans un article publié dans la revue médicale britannique. Son dossier médical était pratiquement vide, mis à part le remplacement des deux hanches par des prothèses. Bon, ça a l'air anodin, c'est que la prothèse gauche avait cassé et a été remplacée par une prothèse utilisant du métal. 6 mois après, cet homme, jusqu'alors en bonne santé, avait commencé à souffrir de symptômes inexplicables, allant des reflux œsophagiens aux problèmes cardiaques. Une fois le rapprochement fait, une radiographie a permis de déceler des débris de métal dans la hanche, tandis que des examens de sang et d'urine ont montré une intoxication au cobalt et au chrome, deux métaux utilisés dans la prothèse. L'intoxication au cobalt est une cause bien connue de cardiomyopathie depuis plus de 50 ans, mais principalement pour les employés d'Assyrie. Assyrie? Exposé au métal ou dans des cas de nourriture ou de boissons contaminées par du cobalt. Le remplacement de la prothèse défectueuse a permis de faire baisser les concentrations de cobalt et de chrome dans le sang et de réduire fortement les problèmes cardiaques du patient. Tout ça démontre donc qu'un divertissement bien réalisé n'est pas seulement capable de divertir et d'éduquer, mais aussi de sauver des vies. Hein? C'est selon l'agence France-Presse et The Huffington Post. Vous avez peut-être admiré ou été parmi les nombreux téléspectateurs de la série La Bible, The Bible, qui était une série limitée sur, c'était sur History Channel. Donc, afin de faire patienter ses fidèles jusqu'au 5 avril, NBC dévoile une première bande-annonce de AD, la suite du succès télé, surprise du printemps 2013, La Bible. Une série programmée en mars 2013, La Bible a rencontré un véritable succès malgré une diffusion restreinte sur la chaîne câblée History Channel, la chaîne sœur d'Historia. Les 10 épisodes ont été regardés en moyenne par 11,36 millions de téléspectateurs. C'est énorme, une performance rare pour ce genre de programme sur une chaîne payante. Sa suite AD élargira son audience en passant directement sur un grand réseau NBC. La série prévoit de relater les conséquences de la mort et de la résurrection présumée de Jésus auprès de ses disciples et de sa mère Marie. Le premier épisode sera dévoilé le 5 avril prochain, soit le jour de présumé Pâques. Après 4 ans d'attente, Martin Scorsese et Mick Jagger vont enfin pouvoir saler le champagne, nous dit la presse, puisque HBO a officiellement commandé leur projet de série rock. On y retrouvera Terrence Winter de Boardwalk Empire et George Mastress de Breaking Bad, le chimiste, au scénario alors que... suite de la phrase, alors que Bobby Cannavale et Olivia Wilde font partie de la distribution. L'intrigue suivra Richie Finestra, directeur d'une maison de disques dans le New York des années 1970, au croisement des périodes punk, disco, hip-hop et new wave. Comme dans le cas de Boardwalk Empire, Martin Scorsese réalisera l'épisode pilote de la série, dont le tournage devrait s'amorcer l'été prochain, et ensuite ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. De toute façon, le pilote, c'est toujours le plus important épisode, bien sûr. Ensuite, AMC donne sa chance à la série de Seth Rogen. L'adaptation de la bande dessinée aura droit à un épisode pilote tourné l'été prochain avec Seth Rogen et Evan Goldberg, duo déjà à l'œuvre de This is the End, film quand même à succès. Après The Walking Dead, la chaîne américaine AMC a dans son viseur une autre bande dessinée pour une adaptation télévisée. Preacher, écrit par Garth Ennis et illustré par Steve Dillon, suit Jesse, le révérend d'un village du Texas doté d'un grand pouvoir. Il peut faire obéir n'importe qui grâce à sa voix, qu'il va baptiser la voix de Dieu. Lorsque sa bourgade est décimée par une force étrange, il partira en quête de Dieu pour combattre le mal. Ce récit à l'humour noir, souvent qualifié de décalé et d'irrévérencieux, sera transposé au petit écran par l'acteur Seth Rogen et son acolyte Evan Goldberg. Ses amis d'enfance comptent plusieurs scénarios à leur actif, dont Super Malade, ça c'est super bad, hein? Anana Express, Pineapple Express, Le Frelon Vert, The Green Lantern, oui, et This is the End. Et ils ont également réalisé et couché sur papier l'intrigue de The Interview. The Preacher a failli passer par la case cinéma avant d'atterrir à la télé. En 2008, Columbia Pictures avait tenté de l'adapter au grand écran avec l'aide de Sam Mendes, puis de Darren Aronofsky à la réalisation. Marvel a trouvé enfin sa Jessica Jones. C'est Kristen Ritter qui va hériter du rôle de Jessica Jones, super-héroïne et détective privée, qui arrivera sur Netflix après Daredevil, selon The Hollywood Reporter. L'actrice qui va fêter ses 33 ans le 16 décembre. Merci de me dire qu'est-ce que j'aurais fait, j'aurais pas eu de cadeau à lui donner. Elle aurait été préférée à 4 autres actrices, retenues dans la courte liste Meryn Ireland, Alexandra Daddario, Teresa Palmer et Jessica De Gao. Donc, Kristen Ritter a déjà participé à bon nombre de séries, des séries souvent sous-estimées ou encore très estimées, mais retirées avant la conclusion logique de l'émission, donc annulées rapidement. Sauf son plus récent succès qui est The Blacklist, une émission très très populaire sur NBC en ce moment, mais Veronica Mars entre autres, Don't Trust the Bitch in Apartment 23 aussi, mais elle est devenue connue en interprétant Jane Margolis dans Breaking Bad. Au cinéma, on l'a vu dans Confession d'une accro au shopping, 27 robes, et dans le film Grands yeux, le prochain film de Tim Burton. Pour Netflix et Marvel, elle enfilerait le costume de Jessica Jones, une ancienne super-héroïne connue sous le nom de Jewel, pas la chanteuse. Après plusieurs expériences traumatisantes, cette ancienne camarade de classe de Peter Parker, alias Spider-Man, décide de couper tout contact avec ce monde et ouvre sa propre agence de détective. Elle finit par aider d'autres super-héros. Avant de connaître l'histoire de Jessica Jones, les abonnés de Netflix découvriront en mai 2015 celle de Daredevil avec Charlie Cox dans le rôle titre. Deux autres séries vont suivre, chacune dédiée à des personnages Marvel moins connus. Iron Fist, spécialiste des arts martiaux, et Luke Cage, un afro-américain, devenu super-héros après des expériences subites en prison, auront aussi droit à leur moment de gloire. Netflix et Marvel qui vont ponctuer les 4 segments de 13 épisodes par une mini-série baptisée The Defenders qui regroupera les 4 super-héros ensemble. Ça s'annonce comme une petite partie de plaisir, tout ça, n'est-ce pas? Maintenant, les codes d'écoute pour la semaine du 17 au 23 novembre 2014. Commençons au Québec, comme on le fait toujours, parce que Colin, c'est ici qu'on habite. Donc, commençons avec le top 15 à 6 en rafale. Complexe G, Vlog, Les Pêcheurs, La Poulouse d'or, Vol 920, Oh, Les Enfants de la télé, Mémoire vive, Au secours de Béatrice et Tout le monde en parle. En cinquième, C'est ce soir, Tout est permis, à V. En quatrième, Toute la vérité. En troisième, Yamaska. Deuxième, Le banquier. Et en première place, 8 et 9 de Radio-Canada avec 2 111 000. Du côté du Canada anglais, 15e à 6e en rafale. Arrow, Chicago Fire, Blue Bloods, Person of Interest, The Amazing Race, The American Music Awards, Survivor San Juan, Agents of S.H.I.E.L.D., Gotham et NCIS New Orleans. En cinquième, The Flash. En quatrième, Criminal Minds. En troisième, Castle. Deuxième, NCIS. Et en première place, avec 4 103 000, c'est The Big Bang Theory. Voilà. C'est tout pour Television. Dans quelques instants, on fera Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Mais avant ça, je vous propose un remix d'une pièce de Super Smash Brothers, basé sur Kirby aussi. Donc c'est un genre de fusion entre un duo de remix Singularity et Mutrix qui mettent feu à cette chanson mettant en vedette les participants de Smash Brothers. Vous allez voir, c'est assez particulier, mais je l'aime bien quand même. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. We'll be right back. C'était Trainer Battle Cover par Game & Sound, évidemment du jeu Pokémon Red & Blue, je dis ça évidemment pour ceux qui le savent. Là. Avant la pause, on avait entendu une chanson de Super Smash Bros. Du tableau Dream Land, c'était le Singularity & Mutrix Remix. Voilà. Un petit peu de Kirby dans le métier. Plein de choses, c'est rare qu'on va visiter cette série-là, mais bon, des fois, je me sens fou. Ça nous amène à parler de choses geek, voici le segment Geek Scenix. C'est le segment Geek Scenix dans lequel on fait le survol des 7 derniers jours en termes de nouvelles technologiques, jeux vidéo et autres trucs geek. Hein? Pourquoi pas? Donc, commençons par les innovations technologiques. On va y aller avec Toyota qui prépare des voitures qui vont communiquer entre elles. Dès 2015, Toyota prévoit d'intégrer dans ses modèles des systèmes de communication entre véhicules et aussi entre voitures et infrastructures. Le but est de réduire les bouchons et les risques de collision. Si une voiture est capable de communiquer avec les infrastructures routières, elle peut déterminer, par exemple, combien de temps il lui reste avant que les feux rouges ne passent au vert. Sa vitesse pourra ainsi être ajustée, ce qui pourra aider à réguler le trafic, mais aussi à anticiper les accidents. C'est le chemin... Pardonnez-moi, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est... Oui, et OK, on va l'avoir. Alors, c'est le... Ben voyons donc. Hey, tout change de place aux 2 secondes dans cette histoire-là. Superbe site Internet bien fait. Donc, c'est le chemin suivi par Toyota, avec des systèmes d'assistance à la conduite, dont de prochains modèles qui se connecteront au service Integrated Traffic System utilisé par les autorités pour suivre les flots de véhicules et d'autres informations essentielles à la circulation. Ces voitures pourront accéder aux capteurs disposés sur la route par les services ITS. C'est drôle, les services ITS. Et en cas de vue bloquée à une intersection, par exemple, ou en présence d'un piéton, les infrastructures préviendront le véhicule et si la voie est libre ou non. Le nouveau système viendra compléter les radars et les caméras déjà présents sur les véhicules du constructeur en vue d'anticiper et éviter les collisions grâce, entre autres, à la communication entre voitures. Ces nouvelles fonctionnalités devraient tout d'abord être proposées sur les nouvelles Toyota vendues au Japon l'année prochaine. Ensuite en Europe et ensuite aux États-Unis d'ici 2017. Toyota n'est pas la seule entreprise à intégrer dès à présent ces nouvelles fonctionnalités à ses voitures. La plupart des grands constructeurs automobiles pensent déjà à la voiture autonome et essaieront à l'avenir de proposer ces aides à la conduite censées à terme réduire les risques d'accidents et de bouchons sur les routes. Un article de Futura Science. La firme allemande ThyssenKrupp a récemment dévoilé l'ascenseur de demain, un modèle capable de circuler aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale grâce à l'absence de câbles et de contrepoids. Les transports de demain ne se limitent pas aux voitures sans conducteur ou aux navettes spatiales. La façon de circuler dans les bâtiments est également concernée par l'évolution des moyens de déplacement. L'entreprise allemande ThyssenKrupp, spécialisée dans les ascenseurs, l'a bien compris. Elle développe depuis plusieurs années un nouveau modèle nommé Multi. Ce dernier a la particularité de se déplacer aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Entrequant les systèmes de câbles et de contrepoids contre les moteurs linéaires fonctionnant à l'énergie magnétique, cet ascenseur peut se déplacer de haut en bas, de gauche à droite et peut fonctionner à la façon d'une boucle. Ce qui permet de mettre plusieurs cabines au lieu d'une seule sur un même circuit. Résultant, un gain de temps pour les utilisateurs qui peuvent également circuler dans plusieurs bâtiments sans quitter l'ascenseur. La méthode de fonctionnement adoptée est proche de celle utilisée pour les trains à suspension magnétique, comme le JR Maglev, dont la mise en circulation est prévue au Japon en 2027. Alors que la nature... des bâtiments évoluent, il est également nécessaire d'adapter les systèmes d'ascenseurs en vue de mieux répondre aux exigences de ces bâtiments et des volumes élevés de passagers, explique le PDG de l'entreprise. Qu'il s'agisse d'une disposition verticale à une dimension ou horizontale et verticale à deux dimensions, en plus d'une ou deux cabines circulant dans chaque cage, la technologie multi représente un instant de fierté dans l'histoire de ThyssenKrupp, qui a toujours présenté des technologies de transport de pointe répondant au mieux aux besoins de mobilité actuels. Hey, il faudra pas attendre 10 ou 15 ans avant de voir cet ascenseur futuriste débarquer dans les immeubles. ThyssenKrupp compte l'intégrer en 2016 à un bâtiment qui sera construit dans la ville allemande de Rottweil, un test grandeur nature qui permettra de déterminer l'efficacité du multi. Et vous me pardonnerez pour les prononciations parce que j'ai aucune culture en termes de prononciation allemande. ThyssenKrupp? Aucune. La police berlinoise s'intéresse à un logiciel de prédiction des délits. La police berlinoise envisage de se doter d'un logiciel de prédiction des délits baptisé Precobs, en référence aux êtres humains mutants du roman de science-fiction Le Rapport Minoritaire. La police de Berlin attend pour l'instant les résultats des tests effectués en Bavière, a affirmé un porte-parole de l'AFP. À l'AFP, voyons, un porte-parole, c'est un gars, à l'agence France-Presse, c'est une place, c'est une compagnie. Ce n'est qu'à la fin de cette phase de test et au terme d'une évaluation des résultats que nous déciderons d'une acquisition. Le ciel en question, testé pour les cambriolages depuis octobre à Munich et à Nuremberg, deux grandes villes de Bavière Sud, cherche à prédire grâce aux probabilités le lieu où risque de se produire un délit. Créé par l'Institut pour une technique prédictive modélisable, l'IFMT, une entreprise basée à Oberhausen, Nord-Ouest, le logiciel a été appelé Pre-Crime Observation System pour rappeler les personnages du roman de Philip K. Dick dont on parlait tantôt. Dans le futur proche, mise en scène par le roman et le film, la police américaine utilise des êtres humains mutants, les précognitifs, ou encore precogs, aux capacités mentales surdéveloppées pour prédire et ainsi prévenir les crimes avant qu'ils ne se produisent. Dans la réalité, le precog utilise des bases de données, conjugue différents facteurs comme le lieu, la date, la récurrence des délits passés, le type de délit, pour ensuite déterminer à l'aide d'un algorithme la probabilité des délits futurs dans un espace donné. Les premiers résultats obtenus par le logiciel sont prometteurs, a souligné le ministre bavarois de l'Intérieur Joachim Herrmann dans un rapport d'étape à la fin novembre. Je suis optimiste sur une poursuite de l'utilisation de Precobs et pense même que son utilisation peut être étendue à toute la Bavière. Selon le quotidien Berliner Zeitung, la ville de Zurich s'est déjà dotée du logiciel en juillet et le nombre de cambriolages a été réduit de 30% dans les zones qui avaient pu être ciblées par la police grâce aux Precobs. Selon le journal, la ville-État de Berlin est décidée à se doter d'un outil de ce type. Même si le logiciel ne convenait pas pour Berlin, la police berlinoise va travailler intensément au développement des possibilités de prédiction par ordinateur. Voilà. Ça fait peur, c'est un petit peu science-fiction tout ça, mais en même temps, c'est le fun, la science-fiction, j'aime ça. Fait que je suis comme partageur entre les deux. Une invention sherbrookoise qui permet de se réveiller en douceur. Pourquoi pas lire cet article de la Tribune? Pour beaucoup de gens, le simple fait d'ouvrir l'œil le matin correspond à une véritable séance de torture, surtout en hiver lorsque l'axe de la Terre permet au soleil de faire la grasse matinée. Or, deux diplômés en génie mécanique de l'Université de Sherbrooke ont mis au point un simulateur d'aube qui, disent-ils, permet un réveil lumineux et en douceur, tout comme en été. Voilà. Lumino, c'est le nom de leur invention, L-U-M-I-N-O. C'est en fait une prise intelligente munie d'une communication sans fil Bluetooth qui, une fois reliée à un téléphone intelligent, permet de moduler l'intensité lumineuse d'une lampe de façon à assurer un réveil en douceur comme un lever de soleil. Une fois que la lumière a atteint l'intensité maximale, une alarme sonore, donc musique, chanson, radio, peut ensuite prendre le relais afin de compléter le réveil. Les deux jeunes cerveaux derrière Lumino sont Philippe-Olivier Provost et James Gagnon-Coupal qui se sont connus sur les bancs de la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke où ils ont obtenu leur diplôme en 2011. Donc, comme c'est le cas de plusieurs inventions, l'idée de créer Lumino est née à partir d'un besoin, celui de se réveiller en douceur malgré l'absence de soleil. Vous pouvez aller voir les informations et l'entrevue sur assemblagerequis.com. L'objectif sur Kickstarter est d'amasser 100 000 $ d'ici la fin de décembre afin de démarrer la production et soutenir le développement sous iOS et Android. Lancée il y a moins d'un mois, la campagne a permis jusqu'à maintenant, en date de l'article, d'amasser près de 14 000 $. Et puis, ils sont passés à l'émission Les Dragons. Non, ils vont passer en 2015. Ils sont âgés de 26 et 27 ans. Grâce à un petit circulateur radio simple et peu onéreux, des chercheurs de l'Université du Texas affirment qu'ils pourraient doubler la vitesse à laquelle les terminaux mobiles envoient et reçoivent des données. Une innovation qui permettrait des téléchargements plus rapides, des communications téléphoniques plus stables et de meilleure qualité. Une équipe de chercheurs de l'Université du Texas à Austin dit avoir réalisé une avancée potentiellement décisive pour les télécommunications sans fil et cellulaire. Il s'agit d'un circulateur d'ondes radio qui est capable de doubler la bande passante en permettant à la puce de communication d'envoyer et de recevoir les informations simultanément sur la même bande de fréquence. Ce fonctionnement, aussi connu sous le nom de full duplex, se traduit par un doublement de la vitesse de la circulation des données. La taille et le coût réduit de ce circulateur permettraient de l'intégrer facilement dans des smartphones et d'autres appareils de communication, avec pour avantage des vitesses de téléchargement plus élevées, des communications vocales plus stables et plus claires. Les circulateurs d'ondes radio existent depuis longtemps. Ils sont composés de ferrite et d'aimant pour créer un sens de giration électromagnétique. Ils sont non seulement chers, mais aussi volumineux et donc impossibles à intégrer sur une carte mère. Le circulateur développé par l'Université du Texas n'est pas électromagnétique. Il emploie des composants moins onéreux et plus répandus comme l'or, juste ça, le cuivre et le silicium. Il est surtout beaucoup plus miniaturisé. Le prototype qui a servi aux essais mesure 2 cm de côté et les chercheurs assurent qu'il pourrait être miniaturisé à l'échelle du micron. Son architecture ressemble un peu à un sens giratoire à trois voies sous forme de circuit. Les signaux peuvent voyager dans ou à l'extérieur de ce rond-point via n'importe quel des trois câbles. Des résonateurs répartis sur le circuit forcent les signaux à circuler uniquement dans un sens horaire. Actuellement, lorsqu'une personne navigue sur Internet avec son téléphone intelligent via le réseau cellulaire, la puce de communication alterne les émissions et réceptions de données. Le circulateur est donc ici, dont il est question ici, peut isoler les signaux entrant et sortant pour les faire transiter de concert, donc en même temps. L'autre intérêt est qu'il peut être adapté en temps réel pour fonctionner à différentes fréquences. Un tel système pourrait intéresser les opérateurs de téléphonie qui font actuellement du full duplex en associant des technologies logicielles et matérielles ensemble. D'autres industries qui utilisent des circulateurs électromagnétiques pourraient ainsi bénéficier de cette innovation. C'est le cas notamment des systèmes radars utilisés par l'aviation, la marine et les satellites. Et cette architecture pourrait même s'appliquer à d'autres domaines. Les chercheurs veulent aller encore plus loin en adaptant leur système au laser afin de créer des circuits intégrés nanophotoniques qui guideraient les signaux lumineux. Leurs travaux sont financés notamment par le Bureau de recherche scientifique de la US Air Force. L'article vient encore une fois de Futura Science. Le constructeur Sony a ouvert une campagne de financement pour une nouvelle montre un peu particulière parce que c'est un bracelet à l'encre électronique. On en parlait récemment que Sony souhaitait tester de nouveaux produits sur le marché. À cet effet, la société a ouvert une division spécialement chargée d'évaluer diverses innovations. Parmi ces dernières, plusieurs rapports spéculaient sur une montre connectée d'un nouveau genre. Le constructeur a en fait pris le parti de ne pas apposer sa marque sur le produit. Qui a été discrètement publié sur un site de financement participatif japonais au mois de septembre, un équivalent de Kickstarter là-bas, baptisé la FES Watch, FES Watch pour Fashion Entertainment Watch. Il s'agit d'une montre classique par opposition aux montres connectées, plutôt bien acceptée par le public. Sony a récupéré près de 4,6 millions de yens ou 35-40 000 dollars canadiens, peu importe, pour lancer la production, alors que l'objectif initial s'élevait à 1 million de yens. Donc on est allé à 4,6, donc plus de 4 fois plus. Selon le Wall Street Journal, un porte-parole du projet explique que nous avons caché la marque Sony parce que nous souhaitions tester la réelle valeur du produit et savoir s'il y aura de la demande pour notre concept. Ça a fonctionné, je pense. L'encre électronique pour le bracelet serait principalement utilisée pour changer facilement le design de ce dernier avec 24 modèles prédéfinis. Il s'agit donc d'un accessoire de mode vraiment pour être une montre et non pas des applications pour compter les pas, etc. C'est pas un appareil de santé. Contrairement à la Apple Watch, les ingénieurs entendent d'ailleurs multiplier les tentatives et, en transformant le papier électronique pour en faire une matière décorative à proprement parler, par exemple pour les cravates. Ah oui! J'imagine tellement des cravates qu'on peut modifier à tous les jours juste une cravate mais avec un look différent. Les rubans de chapeau, ok, ou les portefeuilles qui sont toujours dans ta poche, fait que pourquoi? Mais bon, si vous voulez. Google a annoncé un nouveau système simplifié de CAPTCHA. Vous connaissez les CAPTCHA, vous savez peut-être pas que ça s'appelle les CAPTCHA, mais c'est les petites cases avec du texte écrit un petit peu n'importe comment. Il faut que tu devines que c'est un 7, c'est un G, c'est pas un... T'sais, ça tout se confond. Donc le bon vieux CAPTCHA, un test qui permet à un site internet de différencier un utilisateur humain d'un ordinateur. On s'est souvent arraché les cheveux, essayer de décoder tout ça ou de prendre la version audio, puis c'est pas ben mieux, c'est une espèce de grichage, genre... j'ai rien compris, merci. T'sais. Donc, il faudra désormais entrer son nom, son prénom, son courriel, sa couleur préférée et ensuite cocher une case « Je ne suis pas un robot ». Ces informations seront conservées dans votre navigateur, ne nécessitant plus qu'une seule réponse à cette dernière question à chaque nouveau passage. Selon Google, les petits mouvements opérés par la souris pour survoler les champs de saisie et se rendre sur la case à cocher serviront à prouver votre humanité. Les ingénieurs de Mountain View ont indiqué que le meilleur moyen de s'en assurer n'était pas de poser des questions, mais plutôt d'analyser les réactions. Au passage, le moteur s'assure une nouvelle fois de récupérer vos données personnelles, bien sûr. Environ 80% des cas devraient fonctionner avec ce nouveau système. D'ailleurs, une mise à jour du système utilisé par Google qui s'appelle ReCAPTCHA. Si jamais vous n'arrivez pas à vous y faire, un ancien CAPTCHA vous sera proposé. Sur téléphone intelligent ou tablette, étant donné qu'il n'y a pas de mouvement de souris, l'utilisateur va se faire proposer une série d'images et va devoir sélectionner celles qui correspondent à une demande. Par exemple, on vous montre un chat sur fond blanc, un petit chat qui fait une face de chat. Et là, ben, y a des chats, des chiens, des hamsters, de l'herbe à chat. C'est des affaires qui n'ont pas rapport. Et là, on vous demande de vraiment montrer le chat de la photo. Ou en tout cas, tous les chats. Je pense que c'est tous les chats dans ce cas-ci. Tous les chats dans la série de 9 images. C'est une bonne idée. J'aime mieux le principe des chats. Je trouve ça plus fun. T'sais, tu vas poser la question, puis tu sais, cocher, je suis pas un robot. C'est un peu plate. Boring. Une appli, mais maintenant une application, bien sûr, qui comprend les panneaux de parking, de stationnement. Ça vient de la presse. Comprendre quand et où on peut se stationner dans certaines rues montréalaises requiert un quotient intellectuel quand même assez élevé, nous dit-il. C'est un blog, hein, donc il a le droit à ses petites tournures de phrases un petit peu plus genre « Monsieur Petit Peuple ». Mais c'est ça. Quand il y a un parcomètre, c'est loin d'être toujours clair. Mais plus besoin d'être un génie pour éviter les contraventions. La nouvelle version de l'application P, signe de dollar, service mobile, promet de décrypter même la signalisation la plus alambiquée imaginée par la Ville de Montréal sur ses panneaux. L'application compatible sur iPhone, BlackBerry et Android a pour but de faciliter la compréhension du stationnement de, pour l'automobiliste, a annoncé Stationnement de Montréal, la pieuvre administrative créée pour encaisser l'argent du stationnement dans la ville aux 100 000 parcomètres. Donc, avant de verser son argent dans la machine, on peut inscrire le numéro de la place convoitée sur son téléphone, puis appuyer sur le lien tarification et réglementation pour savoir tout ce qu'il faut pour éviter une contravention dans cette place de stationnement. Par exemple, s'il est interdit de stationner entre 15h30 et 21h à tous les premiers vendredis du mois, tombant sur une date impair, nous dit le blog. De décembre à avril, les soirs de pleine lune, blablabla, cette période sera ombragée en rouge et affichera l'indication « stationnement interdit ». Et si le stationnement est permis, l'application vous précisera à quel montant s'élève votre contribution au trou sans fond des finances publiques municipales, ainsi que la période autorisée dont la fin correspond à l'instant. Ah, c'est n'importe quoi, j'ai lu les blogs! J'aime pas les blogs! Faut que j'enlève ça de mes sources. J'aime tellement pas ça lire des blagues plates de même. J'ai déjà assez dans l'écrit pour mes intros. Changement de méthode dans les entrepôts d'Amazon. Un petit peu de sérieux. Changement de méthode dans les entrepôts d'Amazon. Désormais, des robots vont se charger de prendre les articles dans les stocks avant de les transmettre aux magasiniers. Mais avec quelles conséquences? Derrière son portail en ligne, Amazon est une vraie usine logistique. Et il le prouve encore. Le géant du commerce électronique a annoncé le déploiement de 15 000 robots dans 10 de ses entrepôts américains. L'objectif étant bien sûr d'améliorer la productivité de sa chaîne logistique pour mieux supporter les pics d'activité qui ont surtout lieu durant les fêtes de fin d'année, mais aussi de réduire ses coûts d'exploitation d'un cinquième. Cette intégration est le fruit d'un gros rachat opéré par l'Américain en mars 2012. Ces robots sont en effet conçus par la société Kiva Systems, acquise par Amazon pour 775 millions de dollars. Si ce dernier utilisait déjà des systèmes d'automatisation dans ses entrepôts, la technologie de Kiva lui permet d'améliorer, lui permet d'apporter directement les produits aux employés afin qu'ils les prennent, les emballent et les chargent. Un robot a un gros aspirateur autonome tel qu'on peut en avoir chez soi. Il ressemble, à un aspirateur autonome, mais en plus gros puisqu'il pèse 145 kg. Capable de porter 280 kg, il permet à Amazon d'augmenter de 50% le nombre d'articles traités et d'abaisser le temps pour une livraison le jour même sur différents sites. L'Américain a aussi déployé des bras articulés, le Robosto, figurant parmi les plus gros du monde et capable de soulever 1,2 tonnes. L'enjeu pour Amazon est gigantesque, alors qu'il est déjà réputé pour sa rapidité de livraison. L'Américain ne veut pas se faire dépasser par des concurrents comme eBay ou encore Alibaba, qui a pris une participation en 2013 dans ShopRunner, spécialiste de la livraison en un jour. C'est réussi à équiper ses 80 centres de traitement aux États-Unis, ce qui représente environ 10 000 robots de ce genre. Il pourrait accélérer la livraison d'un cran encore. Ces avancées sont toujours gratifiantes pour le client final, mais elles ont un versant social moins reluisant, nous dit Klubik.com. L'Américain n'en est pas encore au même degré d'évolution que dans la série télé Real Humans, où l'on peut voir un centre logistique n'employant quasiment que des robots humanoïdes et ne s'arrêtant que pour se recharger. Pour autant, cette initiative d'Amazon a bien comme vocation de remplacer une partie de ses effectifs. Si les machines ne supplantent pas encore tout le personnel dans les entrepôts, se pose bien la question de la cohabitation entre les deux. Donc, allez voir le reste de l'article sur assemblagerequis.com. En annonçant la mise à mort des clip art au sein de ses logiciels Office, Microsoft prive sa suite logicielle d'un symbole devenu aussi kitsch que culte depuis les années 90. Est-ce la fin d'une époque? C'est par l'intermédiaire d'une note sur son blog, qui est actuellement hors ligne, que Microsoft a annoncé la disparition prochaine des clip art de sa suite Office. Donc, dites adieu à cette bibliothèque d'illustrations, souvent symbole de fou rire ou de gêne difficile à dissimuler face à un document Word ou PowerPoint qui en abusait un peu trop pour garder son sérieux. Souvent couplé avec la police Comic Sans. Hein? Introduite dans Word 6.0 en 96. La bibliothèque ClipArt contenait alors 82 illustrations qu'il était possible d'intégrer directement à partir du logiciel. Au fil des années et des versions du logiciel Office, le catalogue s'est étoffé jusqu'à proposer près de 100 000 images, en incluant le contenu d'Office.com. Microsoft explique que, je cite, « l'utilisation de la bibliothèque d'images Office a diminué d'année en année, car les internautes s'appuient de plus en plus sur les moteurs de recherche. » Ça veut dire qu'ils vont voler des photos ailleurs sans payer pour. La démocratisation d'Internet et de la possibilité de trouver en quelques clics seulement la photo ou l'image parfaite pour illustrer des documents a donc eu la peau des dessins colorés plus ou moins évocateurs proposés dans Word. Pour les utilisateurs, la disparition des clipart va se faire en toute discrétion, puisque les logiciels d'Office qu'ils proposent seront tout simplement connectés sur Bing Images au lieu d'Office.com. De fait, les recherches d'images renverront vers du contenu libre de droit délivré par Bing. Tu vois, ça c'est quand même une bonne solution. Au moins libre de droit, c'est mieux que juste piquer à tort et à travers. La disparition des Clippers au sein d'Office est probablement une nouvelle anecdotique pour plusieurs. Néanmoins, pour d'autres, c'est une forme de résistance face au conventionnel qui disparaît. À la manière de la police de caractère Comic Sans, souvent maltraitée sur la toile pour son design peu fonctionnel, peu professionnel, oui, les Clippers peuvent apparaître comme une sorte de provocation ou de clin d'œil au sein d'un document. Heureusement, ceux qui ne voudraient pas abandonner les Clippers ont deux solutions de rechange. Nombreux sont les sites qui proposent des collections d'images rappelant celles d'Office comme Clipart Panda, Open Clipart ou encore Classroom Clipart. Les investisseurs qui utilisent le site de financement participatif Indiegogo pourraient bientôt être remboursés s'ils ne reçoivent pas la compensation prévue en échange de leurs dons. La plateforme teste actuellement une assurance afin d'apporter une solution à ce problème très connu du secteur de la vente participative. Mais en même temps, le site augmente les risques que les investisseurs soient lésés. L'un des plus importants sites de financement participatif à cause de Kickstarter, Indiegogo teste une assurance optionnelle de 15$ pour les donateurs qui n'ont toujours pas reçu leur compensation 3 mois après la date de livraison estimée. Ceux qui y souscrivent pourront être directement remboursés. Si Indiegogo commercialise bel et bien cette assurance, le site prendra en charge le remboursement des investisseurs. Une démarche à l'opposé de celle de Kickstarter qui, pour sa part, impose dans ses conditions d'utilisation que les initiateurs de projets remboursent eux-mêmes les donateurs en cas d'échec après la levée de fonds. Le test est actuellement mené sur la campagne du bracelet connecté de gestion du stress Olive. Les donateurs peuvent acquérir en compensation d'un investissement de 129$. La société a confirmé l'information au site TechCrunch en nuançant, je cite, Indiegogo développe et teste régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des donateurs et des initiateurs de campagnes de financement. Ce premier test est pour l'instant limité à cette unique campagne. Donc, en somme, rien ne garantit qu'à l'avenir, l'assurance soit déployée sur toutes les campagnes. On nous dit que 47% des projets portés sur la plateforme atteignent la somme désirée, mais il arrive toutefois que certains échouent après avoir réussi leur levée de fonds. Dans ce cas, les investisseurs n'obtiennent pas leur compensation, donc c'est un problème qui est bien connu. Et dans le meilleur des cas, l'initiateur du projet rembourse les donateurs. Dans le pire cas, le conflit se règle au tribunal. Sony fête ses 20 ans dans le jeu vidéo. Quelle bonne nouvelle! Le groupe japonais Sony donc a remporté son pari de s'installer dans le monde du jeu vidéo, devenant un acteur majeur de cette industrie 20 ans après avoir lancé la première PlayStation. Le groupe japonais a remporté son pari donc de s'installer dans le monde des jeux vidéo. Le 3 décembre 1994, l'inventeur du Walkman commercialisait au Japon sa console de salon et devenait le troisième constructeur de premier plan face à Nintendo et Sega. Ce dernier s'étant depuis reconverti en simple développeur et éditeur de jeux. L'Amérique du Nord et l'Europe ont pour leur part dû attendre septembre 1995 pour voir la machine débarquer sur leur territoire. Le groupe japonais avait déjà un pied dans cette industrie puisqu'il fournissait le processeur audio de la Super Nintendo et avait travaillé sur une extension pour cette machine avant que Nintendo lui tourne brutalement le dos pour aller travailler avec le néerlandais Philips. Fin 1994, Sony propose une console à la fine pointe de la technologie, pensée pour afficher des graphismes en 3D avec des titres alors visuellement comparables à ce qui se faisait dans les salles d'arcade et dont les jeux étaient sur CD. Ce coup d'essai est un succès avec plus de 100 millions de consoles écoulées et des vétérans Nintendo et Sega relégués loin derrière. Sa réussite, Sony l'a bâtie notamment sur une communication décalée où les images des jeux sont pratiquement absentes pour mettre en avant la pratique du jeu vidéo comme une culture émergente. La PlayStation voit également naître des séries de jeux devenus cultes à l'image de Gran Turismo et quand elle n'innove pas, elle remet au goût du jour des sagas comme Metal Gear Solid ou permet d'exporter des productions jusqu'alors réservées essentiellement au public japonais comme Final Fantasy. Je suis en train de vous lire un article de la presse.ca. En fait, ça provient à l'origine de l'agence France Presse. Voilà. Vous pouvez aller lire le reste, mais quand même, je vais continuer un petit peu. Depuis cette première incursion dans le monde du jeu vidéo, trois autres générations de consoles de salon ont suivi. La PlayStation 2, lancée en 2000, qui reste le grand succès de la marque avec plus de 150 millions de ventes. La PlayStation 3, sortie en 2006 avec quelques difficultés, 83 millions, souffrant de l'immense popularité de la Wii de Nintendo qui a démocratisé le jeu vidéo auprès du grand public grâce à sa technologie de reconnaissance des mouvements. À l'heure actuelle, la PlayStation 4, qui vient de fêter son premier anniversaire, domine le marché avec 13,5 millions de ventes fin septembre face à la Wii U de Nintendo et à la Xbox One de l'américain Microsoft, le dernier constructeur à avoir débarqué dans le secteur donc en 2001. Au sein de Sony, qui traverse actuellement une période difficile, la branche consacrée aux jeux vidéo constitue l'un des rares motifs de satisfaction. Preuve de l'importance prise par cette activité, son ancien patron Kizuo Hirai est devenu PDG de l'ensemble du groupe en 2012. En revanche, Sony n'a jamais réussi à détrôner Nintendo dans le domaine des consoles portables, où sa PlayStation Portable puis sa PS Vita ont été balayées par les gammes de DS puis de 3DS. Autre moment difficile, le piratage qui a visé les services en ligne de Sony en 2011, qualifié de situation la plus compliquée en 20 ans par le PDG de Sony Computer Entertainment Europe. À l'époque, le jeu en ligne avait été interrompu pendant près d'un mois et le groupe contraint à des excuses publiques. Donc voilà, pour le 20e anniversaire de Sony. D'ailleurs, Sony qui va lancer une édition limitée de sa PlayStation 4 pour célébrer le tout. Le géant donc a lancé au Japon une édition spéciale limitée de sa dernière console PlayStation 4, mais en gris, dont l'esthétique rappelle celle de la première PlayStation mise en vente il y a exactement 20 ans. Les candidats à l'achat au Japon peuvent se faire connaître jusqu'au 10 décembre, donc demain mercredi, mais l'objet, dont il n'existera que 12 300 exemplaires dans le monde entier, sera attribué ultérieurement par tirage au sort, dont le résultat sera annoncé le 16 décembre. On dit 12 300 exemplaires parce que ça fait 12 et 3 comme 3 décembre, comme la sortie de la PlayStation 1. Les Japonais sont à l'affût de ce genre de produits rares numérotés qui finissent ensuite souvent dans les boutiques de collectionneurs à des prix phénoménales. Cet exceptionnel modèle original porte un logo commémoratif de l'événement que fut l'entrée de Sony dans le monde du jeu vidéo le 3 décembre 1994, avec la PlayStation première du nom qui fut la première console de salon à être vendue à plus de 100 millions d'exemplaires au total. Donc, édition qui va être d'abord disponible au Japon pour environ 500$, puis doit être progressivement aux États-Unis pour 500$ aussi et en Europe pour 500€. Voilà. Maintenant, on a parlé de ça la semaine passée. Vous avez peut-être suivi de votre côté la nouvelle de la figurine Amiibo édition collector de Samus Aran. Cette figurine NFC, dont plusieurs exemplaires, comportait une erreur de fabrication. C'est qu'il y avait deux canons sur les deux bras. Samus est une femme, donc elle avait un canon sur chacun de ses deux bras, à place d'en avoir juste un. C'était rare, c'était une erreur. Un des possesseurs de cette fameuse figurine a mis en vente son exemplaire sur eBay la semaine dernière. En a tiré un prix plutôt avantageux de 2 500$. C'est le montant de la transaction pour cette figurine qui habituellement se vend dans le coin des 13-15$ dans le commerce et qui sert d'avatar virtuel transportable pour vos parties de Super Smash Bros. For Wii U. On a parlé d'anniversaire de Sony tantôt. Il y a Dragon Ball aussi qui célèbre son anniversaire, 30 ans. Le premier épisode du manga culte est apparu le 3 décembre 1984 dans le magazine Shonen Jump. On ne présente plus l'incontournable manga intemporel d'Akira Toriyama qui a marqué toute une génération, nous dit jeuxvideo.fr. Depuis la toute première diffusion de l'épisode 1 au Japon dans le magazine Shonen Jump, nombre de franchises et produits dérivés se sont enchaînés, plus grand bonheur des fans. 30 ans plus tard, c'est avec la larme à l'œil et le sourire aux lèvres qu'on vous rappelle quelques chiffres. 42, c'est le nombre de volumes du manga entre 84 et 95. 3, ce sont les séries animées Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT diffusées presque non-stop. 16, c'est le nombre de longs métrages issus du manga paru dans le monde. 80 et même plus encore de jeux vidéo, dont une trentaine édités sur le marché, je crois que c'est européen dans ce cas-ci. Le dernier en date est Dragon Ball Xenoverse, prévu pour décembre 2015. Et tant qu'à être nostalgique, vous pouvez aller lire des petites anecdotes et des secrets sur Dragon Ball, à savoir sur assemblagerequis.com. Voilà pour CNX, allons-y avec le palmarès, donc le top 10 des jeux les plus loués en club vidéo. Commençons par la 10e place, Dragon Age Inquisition sur la PlayStation 4. En 9e, Far Cry 4, édition limitée sur PlayStation 3. Le même jeu est en 7e sur Xbox 360, en 5e sur Xbox One et en première place sur PlayStation 4. Ensuite, en 8e, c'est Pokémon Alpha Sapphire sur la 3DS. En 6e, Pokémon Omega Ruby sur la 3DS. En 4e, c'est Grand Theft Auto 5 sur la Xbox One. Le même jeu sur PlayStation 4 est en 3e place. Et en 2e, c'est Super Smash Bros. For Wii U sur la Nintendo Wii U. Tu sais que moi je trouve ça bizarre que les gens disent Super Smash Bros ou Super Smash Bro au Québec. Mais quand même, j'ai écouté quelques vidéos puis apparemment qu'on dit ça pas mal partout dans le monde. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, tout le monde c'est Super Smash Bros. C'est ok, si vous voulez, mais t'sais, c'est comme tant qu'à ça, on va dire Maxi et Si au lieu de Maxi et compagnie. T'sais, ou moi et Si. C'est des abréviations qu'il faut prononcer au complet. Je comprends pas. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. C'est tout pour CNX, le segment geek. Tout à l'heure, il va nous rester Merci Science. C'est bien vrai. Mais avant ça, on retourne en musique de jeux vidéo. On s'en va entendre une pièce de Uncle Bibi. Oui, Uncle Bibi, bien sûr. Comment oublier ce célèbre Uncle... Non, je le connais pas du tout. Uncle Bibi. Donc, il a fait une chanson qui s'appelle Pinch Me. On s'en va entendre tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. 80 89.1. What does blast processing do exactly? Well, blast processing is more than an idea. It's more than what's inside. It's thinking. And blast processing has taken a cartridge, slammed it into another one to create an even better cartridge. And blast processing is more than a symbol. It is the fate of all mankind. Blast processing is your hope. C'était un hommage au slogan, si on veut, de la console Sega Genesis. Genesis fait ce que Nintendo ne fait pas, what Nintendo don't. Par une formation, en fait, de video game rock qu'on appelle, c'est les Blast Processors. C'est bien ça le nom complet? Oui, The Blast Processors, exactement. C'est leur premier album complet qui s'appelle Genesis. Et vous pouvez l'entendre au complet sur leur Bandcamp. Ça, c'était la première pièce, celle qui ouvre leur nouvel album. Avant ça, on a entendu Pinch Me par Uncle BB. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire, mais ça a été fait à partir de l'application Korg DS. SN12, c'est disponible sur la boutique de la 3DS, la console portable de Nintendo, donc on peut faire de la musique chiptune avec ça. Fait que finalement, quand je dis que c'était tout pour ça, j'ai pas mal dit plus d'affaires que prévu. Maintenant, ça nous amène à parler de science, parce que voici Merci Science. C'est Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons avec une technologie à base d'ultrasons développée par des chercheurs de l'université de Bristol en Angleterre qui permet de rendre palpables des formes holographiques invisibles. Couplé à un affichage 3D, ces ultrasons permettraient de voir à l'écran et de sentir des formes sans contact physique. Ce type d'application pourrait notamment aider les chirurgiens à visualiser et palper certaines tumeurs à partir de scanners. L'année dernière, Futura Science avait évoqué en détail un système nommé Ultra Haptics. Mis au point par une équipe de l'Université de Bristol, celui-ci repose sur des transducteurs à ultrasons qui produisent un retour d'effet à la surface d'un écran par modulation de la pression d'air. La technique permet de ressentir les reliefs d'une interface et de la contrôler sans être en contact avec l'écran. Les chercheurs ont fait évoluer le système qui est désormais capable de produire des formes holographiques palpables. Ils viennent de rendre compte de leur avancée dans un article publié par la revue ACM Transactions on Graphics. Les ultrasons sont concentrés vers la main en suivant une trame géométrique qui crée des turbulences, lesquelles génèrent la forme holographique invisible que la personne peut ressentir. Ce procédé repose sur le principe de la pression de radiation acoustique. Vous pouvez vous renseigner dans l'article sur assemblagerequis.com, bien sûr. Cette pression vient stimuler les mécanorécepteurs cutanés en générant des vibrations comprises entre 0,4 et 500 Hz. Afin d'ajouter la vue au toucher, les concepteurs ont projeté les ultrasons sur une fine couche d'huile, de telle sorte que les dépressions provoquées à la surface éclairée par une lampe révèlent la forme en 3D. Hein? On peut découvrir le fonctionnement de ce procédé dans une petite vidéo YouTube. Selon les chercheurs, le système est suffisamment précis pour que des personnes l'ayant testé parviennent à reconnaître les formes invisibles qu'elles ont l'impression de toucher. Dans l'hypothèse d'une application concrète, cette technologie haptique serait associée à un écran 3D afin de créer une image qui puisse être vue en su d'être touchée. Le système pourrait être très utile aux chirurgiens en leur permettant de sentir le scanner d'un patient pour notamment examiner une tumeur ou percevoir des irrégularités dans les tissus. De manière plus générale, cette technologie ouvre la voie à des systèmes d'affichage 3D immersifs qui combineront les interactions visuelles et physiques. Mais pour le moment, aucune application à vocation commerciale n'a été annoncée. On continue avec le sida. Hein? On parle jamais de sida ici, donc des autotests rapides disponibles en France en juillet 2015. Les autotests qui permettent à toute personne de savoir en quelques minutes si elle est porteuse du virus du sida, VIH, seront disponibles en pharmacie en France à partir du 1er juillet 2015. S'exprimant à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, Marisol Touraine, ministre de la Santé, a déclaré lors d'une visite à l'hôpital parisien Saint-Louis, je cite, « Les autotests seront disponibles en pharmacie à partir du 1er juillet 2015. » Cet outil de dépistage devait initialement débarquer en France courant 2014. Il offre à tout individu la possibilité de savoir s'il est porteur du VIH en effectuant un test simple à partir d'une goutte de son sang. Ces tests individuels seront également mis à disposition d'associations de lutte contre le sida pour faciliter le dépistage auprès de populations difficiles. L'objectif est de généraliser l'utilisation des tests rapides d'orientation diagnostique, ou le TROD, qui donne une réponse sur la séropositivité en moins d'une demi-heure, contre un délai de plusieurs jours pour le test classique. Ces TROD pourront être utilisés par les associations pour le sida, mais aussi pour dépister le virus de l'hépatite C à partir de mai 2015. C'est fantastique. Et d'ailleurs, le commerce de tests génétiques arrive en Europe. Le test génétique personnalisé commercialisé par l'entreprise 23andMe est disponible au Royaume-Uni depuis quelques jours. En 2013, la FDA avait demandé à l'entreprise de ne plus vendre ses ensembles, ses kits, qui donnaient des informations sur des risques de maladies chroniques. La FDA, c'est la Food and Drugs Administration, ceux qui s'occupent des réglementations sur les médicaments. Le test génétique à 125 livres sterling, d'accord, controversé aux États-Unis, arrive en Grande-Bretagne, mais sous une forme modifiée. Depuis le 2 décembre 2014, les citoyens britanniques peuvent désormais faire tester leur ADN par une entreprise privée qui s'appelle 23andMe. Mais en 2013, la FDA avait interdit à la société de donner des informations sur la santé des individus car, d'après elle, il n'y avait pas de preuve de la fiabilité de ces tests. Selon l'entreprise, les remarques de la FDA ont été prises en compte et le test britannique ne donnera pas autant d'informations sur la santé que le test initialement proposé aux États-Unis. Au Royaume-Uni, ce service ne sera pas commercialisé comme un diagnostic et donc ne nécessite pas d'être approuvé par l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, la MHRA. D'après la PDG de l'entreprise californienne, il est l'épouse du cofondateur de Google, Sergey Brin, quand même. Le Royaume-Uni est un leader mondial de la génomique et nous sommes très enthousiastes d'offrir un produit spécialement pour les consommateurs britanniques. Google a été l'un des premiers investisseurs de l'entreprise 23andMe fondée en 2006. On peut bien s'imaginer si c'est la femme de l'autre. Donc, allez voir plus d'informations sur 23andMe et comment il fonctionne, entre autres avec les échantillons de salive sur assemblagerequis.com. Dans son centre de recherche et développement de Zurich en Suisse, Disney Research a mis au point un système de capture numérique capable de reproduire très fidèlement la forme et la texture d'un œil humain, ainsi que sa réaction à la lumière. Cette technique va permettre d'améliorer considérablement le réalisme des personnages de synthèse pour les films d'animation. Bien qu'elle ait fait des progrès énormes au cours de la dernière décennie, l'animation 3D de personnages humains est encore confrontée à quelques obstacles pour parvenir à un rendu photoréaliste parfait. Parmi ceux-ci, c'est la reproduction de l'œil qui est un défi technique majeur. Mais Disney Research a élaboré un processus de capture numérique qui promet une avancée décisive dans le domaine. Une équipe du Centre de recherche et de développement de Zurich en Suisse a mis au point une technique basée sur des appareils photo et un éclairage varié qui peut numériser la forme et la texture de la cire, la forme et la réfraction de la cornée, la forme et la coloration de l'iris, ainsi que la déformation de la pupille sous l'effet de l'intensité lumineuse. Hein? Ce nouveau système de capture peut reconstruire toutes les parties visibles de l'œil en les traitant séparément tout en tenant compte de leurs interdépendances. Le résultat offre un niveau de détail inédit. Pour réaliser cette numérisation, la personne s'allonge sur le dos et place la tête dans un appui-tête sous un appareillage spécialement élaboré. Le système de capture se compose de 6 appareils photo numériques Canon 650D avec la sensibilité ISO à 100 et un objectif macro 100 mm ouvert à f11. L'éclairage repose sur un système de flash classique et de 9 LED rouges, verts et bleus qui sont disposés et contrôlés de manière à éviter les reflets indésirables. La dilatation de la pupille est provoquée par un LED à intensité modulable qui est positionné non pas au-dessus de l'œil qui doit être numérisé, mais sur l'autre. Étant donné que la dilatation des pupilles des deux yeux est liée, ça permet de contrôler l'effet indirectement sans être interférer avec l'œil concerné par la capture numérique. L'opération se fait en deux étapes. Durant la première, le sujet doit prendre 11 poses différentes avec ses yeux afin qu'il soit saisi sous tous les angles possibles. La seconde étape consiste à prendre une dizaine de clichés de la dilatation progressive de la pupille. La numérisation débute par la cière, suivie de la cornée et enfin de l'iris. L'opération dure au total une vingtaine de minutes et l'algorithme de traitement d'image développé par Disney Research prend en compte les propriétés réflexives différentes de chaque élément de l'œil humain. Le rendu final est obtenu en combinant les images numérisées et de la synthèse de texture. Encore plus impressionnant, le système est capable d'animer l'iris en reproduisant sa dilatation lorsqu'elle réagit à la lumière. Cette technique de reconstruction va contribuer à réduire de façon très significative le temps passé à reproduire les yeux des personnages principaux dans les films d'animation, et les chercheurs de Disney Research disent vouloir encore améliorer le procédé afin de pouvoir saisir d'autres mouvements de l'œil tels que l'hippus ou les saccades. Je trouve ça fascinant, genre de nouvelles, là. C'est le fun. Et d'ailleurs, l'œil humain peut voir dans l'infrarouge. Les ultraviolets et les infrarouges ne font pas partie de la lumière visible et ne devraient pas être perçus par un œil humain. Pourtant, une équipe internationale de chercheurs a montré que la rétine peut être sensible au rayonnement infrarouge dans certaines conditions. On considère généralement que le spectre de la lumière visible s'étend des longueurs d'onde allant de 400 nanomètres, donc le violet, à 700 nanomètres du rouge. La vision de ces longueurs d'onde repose sur l'activation des pigments visuels présents dans les cônes et les bâtonnets, les cellules photosensibles de la rétine. Au cours de ce processus, les particules lumineuses ou photons activent les pigments photosensibles comme la rhodopsine des bâtonnets. Mais voilà qu'une nouvelle étude parue dans PNAS bouleverse ses connaissances en montrant que dans certaines conditions, l'œil pourrait détecter une lumière dans le proche infrarouge au-delà de 900 nanomètres. La recherche est partie de l'observation faite par des scientifiques auxquels... Pardon. Donc, la recherche est partie de l'observation faite par des scientifiques auxquels il arrivait de voir des flashs de lumière lorsqu'ils travaillaient avec des lasers infrarouges. Ils ont donc voulu en savoir plus sur ce phénomène, comme un des auteurs de l'article, Franz Winberg, nous dit, je cite, « Ils étaient capables de voir la lumière laser qui était en dehors du champ normal visible et nous voulions vraiment comprendre comment ils pouvaient être sensibles à de la lumière censée être invisible. » Les chercheurs ont donc utilisé des cellules de rétine de souris et d'hommes, ainsi que des lasers puissants qui mettaient des impulsions dans l'infrarouge. Ils ont testé les cellules en faisant vibrer la durée des impulsions. Et leur surprise, ils ont constaté que la lumière pouvait être perçue lorsque deux photons émis dans l'infrarouge étaient très rapprochés. Donc normalement, c'est qu'un photon est absorbé par un pigment, mais dans le cas d'une lumière laser pulsée avec des impulsions rapides, deux photons très rapprochés peuvent être absorbés par un seul pigment photosensible. L'énergie combinée de la paire de photons est alors suffisante pour activer le pigment et permettre à l'œil de voir ce qui est normalement considéré comme invisible. Comme l'explique Vladimir Kefalov, qui a participé à ces travaux, je cite... Si un pigment de la rétine est percuté par une paire de photons qui se succèdent rapidement à une longueur d'onde de 1000 nanomètres, ces particules lumineuses fourniront la même quantité d'énergie qu'un seul coup de photon à 500 nanomètres, ce qui est bien dans le spectre visible. C'est ainsi qu'on peut le voir. Cette découverte pourrait trouver des applications. Donc la microscopie à deux photons utilise déjà ce principe et a pour avantage de pénétrer profondément dans les tissus. Les chercheurs travaillent ainsi sur des moyens d'utiliser l'approche à deux photons dans un nouveau type d'ophtalmoscope, un instrument permettant aux médecins d'examiner l'intérieur de l'œil. L'idée est de l'éclairer par une lumière infrarouge pulsée qui permettrait aux médecins de stimuler des parties de la rétine et d'explorer la structure et le fonctionnement des yeux des patients. Voilà l'article complet de Futura Science sur assemblagerequis.com. C'est ce qui nous ramène en musique chiptune un peu. On va l'entendre une nouvelle chanson, Genesis Funk par Harold. C'est pour faire suite à ce qu'on a écouté tantôt par Blast Processors, oui c'est ça. Donc un arrangement un petit peu funky, créé en hommage à la Sega Genesis ou encore à la Mega Drive dans d'autres parties du monde. Donc écoutons cette chanson, Genesis Funk, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. d'excentricité. 89.1. C'était Laffy the Fox et Dancing to Bullets que vous pouvez télécharger gratuitement via assemblagerockey.com. C'est sur son SoundCloud. Ça vient de son prochain album, Laffy the Fox, qu'on adore au Mathieu Plancho. Alors, ça, on a entendu la chanson thème de Captain Toad, Treasure Tracker, nouveau jeu qui vient de sortir sur la Wii U que je me suis acheté en fin de semaine passée. J'ai hâte de jouer. Ouais, parce que j'ai acheté en fin de semaine passée pour jouer pendant la fin de semaine, puis j'ai pas joué avec encore. Mais c'est vraiment cool. C'est un puzzle tridimensionnel qui ressemble un peu à des dioramas. C'est vraiment très très cool. Donc, la chanson thème remixée par Shouji Ninja. Et au tout début, c'était Genesis Funk par Harold. Voilà pour le bloc musical. On continue à l'instant avec C'est un fait, Technician. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas. C'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas. C'est un fait, c'est un fait. Il n'y avait pas l'air d'être sûr sur quelle note le faire. Commençons le 24, je crois que je ne suis jamais sur aucune note. 24 novembre en 1932, c'est le FBI Scientific Crime Detection Laboratory, qui s'appelait à l'époque seulement Technical Crime Laboratory, qui a ouvert ses portes à Washington DC de façon officielle. L'endroit a été choisi parce qu'il y avait un lavabo. Et le seul et unique employé de ce laboratoire de la détection des crimes scientifiques, ou en tout cas du FBI, bref, son seul employé, l'agent Charles Apple, a dû emprunter un microscope. Ouais. Scientific Crime Detection Laboratory. Ensuite, en 1998, America Online annonçait son achat de Netscape Communications, donc ça a fusionné ce qui était deux des plus grands noms d'Internet à l'époque, AOL et Netscape. Le 26 novembre 1922, Toll of the Sea débutait au cinéma. C'était le premier film en couleur qui n'avait pas besoin d'un projecteur spécial. C'était aussi le deuxième film en technicolor de l'histoire et le premier de ces 10 films en sortie, j'imagine, nationale, une sortie plus large que la sortie, Carlin serrée, hein, on va se dire. Le 28 novembre en 1814, pour la première fois, c'était l'imprimante qui fonctionnait à la vapeur. Donc, c'est la première fois qu'on... C'est ça? Oui. C'est la première fois qu'on a imprimé le Times de Londres avec une presse à la vapeur. Les inventeurs allemands Friedrich Koenig et Andreas Friedrich Bauer ont construit cette presse-là. Le Times a été très rapide pour dire qu'ils n'allaient pas renvoyer d'employés, mais c'est à la place qu'ils allaient augmenter le nombre de copies. Donc ça allait amener le journal à un plus grand public. Le 29 novembre en 1910, le premier brevet américain pour un système de lumière de coin de rue a été enregistré par Ernest E. Serene. C'était une affichette, une pancarte illuminée qui passait du mot « stop » au mot « proceed », donc de « arrêter » à « allez-y ». En 1972, Nolan Bushnell a installé la première machine d'arcade opérée par des pièces de monnaie dans la taverne Handicap's Tavern à Sunnyvale, en Californie. Le seul jeu était le jeu de Alan Alcorn, Pong. Hein? À l'intérieur d'une période de 4 mois, il y avait déjà 10 000 de ces machines installées partout au pays. Le 30 novembre en 2006, Microsoft sortait Windows Vista pour les entreprises. Vista qui améliorait la sécurité par rapport à Windows XP, mais qui a été critiqué pour plein d'autres caractéristiques. Et ça n'a jamais rivalisé Windows XP en termes d'adoption. Un peu comme Windows 8 ne rivalisera jamais Windows 7. Parce que c'est comme ça, chez Microsoft, on fait un bon Windows aux deux versions. Ensuite, le 1er décembre 1977... Time Warner lançait Cube à Columbus, en Ohio. C'était le premier système de câble interactif à deux sens, un peu à la vidéo. Oui. Une de ses chaînes était nommée The Pinwheel, qui allait plus tard être relancée sous le nom de Nickelodeon. Vous connaissez probablement plusieurs séries de Nickelodeon. Le 2 décembre 1982, un dentiste de Seattle nommé Barney Clark était trop malade pour une transplantation, un transplant de cœur. Donc, il est devenu le premier récipiendaire humain d'un cœur artificiel permanent, le Jarvik 7. Il a survécu pendant 112 jours après ça. Donc, ce n'est pas rien. Le 3 décembre 1992, le premier message texte a été envoyé sur le réseau du Royaume-Uni de Vodafone, d'un PC à un appareil mobile avec le message « Joyeux Noël hein? ». En 1994, la Sony PlayStation est arrivée dans les magasins du Japon, donc la première PlayStation, on en a parlé tantôt, dans CNX. En 2001, à Bryant Park, dans Manhattan, l'inventeur Dean Kamen a révélé un projet secret sur lequel il travaillait, le nom de code Ginger. Steve Jobs a dit, apparemment, là, c'est une citation, on paraphrase peut-être, mais que ça allait faire que les villes allaient devoir être reconstruites, que les routes allaient devoir être repensées pour ça. Pourquoi? Le Segway, Personal Transporter, qui est devenu très populaire dans les centres d'achat, les magasins d'électronique, les facteurs, entre autres, dans certains endroits, utilisent le Segway. C'est ce genre de pogo stick sur lequel on se tient, c'est un genre de mini-scooter. Mais que tu penches par en avant puis ça avance, tu penches par en arrière puis ça recule. C'est le Segway. Le 4 décembre 1996, General Motors commence la livraison du EV1, EV1, qui est un véhicule électrique qui va devenir complètement adoré et culte même pour ses conducteurs. Ensuite, on les a rappelés en 2002 et ça a été envoyé pour être détruit, être mis en cube dans les fourrières. Il y a un documentaire là-dessus, le EV1. C'est vraiment super intéressant de voir pourquoi ça a été retiré du marché pour des raisons de... politiques presque. Ouais. Ensuite, on va au 6 décembre 1877. Thomas Edison a testé sa nouvelle invention qui était le phonographe en enregistrant les premières phrases du poème Mary Had a Little Lamb. Il a recréé d'ailleurs l'événement en 1927. Le 7 décembre 1963, CBS diffusait une partie de football collégien universitaire, peu importe, entre l'armée et la marine. Oui, voilà. Et c'était la première fois qu'on utilisait une reprise instantanée pendant une diffusion en direct d'un sport. Il y a des gens qui étaient confus. Ils ont appelé pour porter plainte à CBS en 1963. Tellement c'était impressionnant pour eux. Et finalement, toujours le 7 décembre 1999, la Recording Industry Association of America a commencé sa poursuite de Napster, qui n'avait que 6 mois à l'époque, un jeune bambin. C'était le début de ces poursuites-là. Voilà, c'est tout pour cet fait Tech Edition. Comme toujours, on apprend bien les choses dans cette chronique, n'est-ce pas? Dans quelques instants, ce sera notre bloc spécial, notre série musicale sur la musique de la série d'Hulk Kong Country. Donc oui, une série musicale sur la musique d'une série, hein, c'est quand même... assez bien dit tout ça. Mais pour l'instant, on va entendre une nouvelle chanson de chiptune, plutôt dance. C'est pas nécessairement mon genre, le dance. Mais quand même, celle-là me dérange pas bien. Voici Plug Me In Baby par JKLOL. MPS. Tant qu'à faire des initiales, le bateau plancho. Ça doit pas être si dense que ça si j'aime ça autant. Plug Me In Baby par JKLOL pour Mathieu Plante Show. Et je pense qu'on devrait continuer tout de suite avec notre série musicale. On était rendu à la deuxième partie de DKC Mixtape 94 qui reprend les pièces de la série Donkey Kong Country. Vous savez qu'on en parle souvent, on en joue souvent de la musique de Donkey Kong Country, mais d'habitude on se focus sur un jeu en particulier dans la série. Là non, c'est la série au complet. Donc c'est par Big Matt, 35 pièces au total pour toute la série sur Super Nintendo. C'est le 20e anniversaire de cette série de jeux de plateforme. Donc vous pouvez donner l'argent que vous voulez. Évidemment, c'est sur Bandcamp, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Commençons avec la pièce numéro 4. Elle est par Missing No. Voici Mining Melancholy tout de suite au 89.1 FM. C'est fou. Ça va être bon, en titre, ça. Thank you.

La pièce Maps par Corey Johnson, précédée de James Moats featuring Dan Taylor et le morceau Cranky Swanky Slideshow Showdown. On débute avec Mining Melancholy par Missing New. C'est sur la compilation DKC Mixed Ape 94. C'est les pièces 4, 5 et 6. On continuera la semaine prochaine avec les 7, 8 et 9. Voilà, sur la série de Donkey Kong Country, bien sûr, comme toujours. Tantôt, on a commencé, c'est un Fate Edition, et comme je réalise qu'on a encore un petit peu de temps, retournons-y, ça ne dérange pas, mais elle est déjà en cours, donc on ne chantera pas l'intro, c'est ça, on revient où on était. Donc, parlons de jeux vidéo en général, et de Mario pour commencer, petit bloc thématique encore une fois cette semaine sur Mario. Dans le fond, il y a un jeu qui s'appelle Mario Tennis, on va commencer par là, Mario Tennis sur Nintendo 64. Si Mario n'est pas un des personnages en train de jouer au tennis, il va apparaître comme arbitre, je ne sais pas comment on appelle ça dans le domaine du tennis. En tout cas, bref, la personne qui est assise sur une chaise. Donc, si Mario est un des joueurs sur le court, terrain, milieu, place, l'arbitre patente va être soit Toad ou encore une version bleue de Mario. La version bleue de Mario, c'est une référence à Tennis, un jeu sur la NES, l'original NES, où Mario portait un habit bleu quand il était arbitre. Donc, c'est une référence à ça. Une version du jeu Mario & Sonic at the Olympic Games est sortie sur les téléphones cellulaires en juin 2008. Par contre, il n'y avait pas les personnages de Mario, donc le jeu ne s'appelait que Sonic at the Olympic Games. C'était le même jeu, mais avec juste les personnages de Sonic. Justement, parlant de At the Olympic Games, pendant le développement du jeu, les gens pensaient que c'était une blague du poisson d'avril. Mais peu de temps après, Sega a dit sur son site web que le jeu était officiel et que Sega et Nintendo avaient travaillé ensemble sur le même jeu. Dans Mario & Sonic à the London 2012 Olympic Games, tous les personnages qui étaient, en fait, les personnages étaient supposés avoir des vêtements de plage, de nage, en fait, pour les événements de nage. Ça a été rejeté par Sega parce qu'ils voulaient pas que les personnages ne portent pas leurs souliers. Donc à la place, il y a seulement les personnages féminins qui portent des habits de nage, qui étaient aussi utilisés dans les événements de gymnastique dans le jeu. Vous avez peut-être vu la bande-annonce, ou en tout cas mention sur le web du jeu Splatoon qui s'en vient sur la Wii U prochainement. C'est un jeu où on utilise de la gouache pour colorer un territoire, une place, un environnement, et tu dois avoir plus de couleurs dans la place que l'équipe ennemie. Bref, Splatoon, ça a l'air vraiment génial comme jeu, j'ai super hâte de jouer à ça. Mais Splatoon, c'était supposé à l'origine être un jeu de Mario. Donc ça devait faire partie de la série des Mario, ça aurait assuré évidemment des tonnes et des tonnes et des tonnes de ventes. Mais on a décidé de garder le jeu indépendant, donc de faire une nouvelle franchise avec ça. Et à mon avis, ça risque d'avoir beaucoup de succès. Ça, c'est un jeu de party. Tu joues à plusieurs, puis tout le monde peinture et badigeonne la place. Ça va être vraiment le fun. Allez voir, c'est Splatoon. Ensuite, j'en ai parlé précédemment dans une chronique tout à l'heure. C'était Captain Toad Treasure Tracker. En fait, oui, j'en ai parlé parce qu'on a joué une chanson de la trame sonore de Captain Toad Treasure Tracker. La chanson thème. Le jeu à l'origine était supposé être un jeu dans la série des Legend of Zelda, avec Link comme protagoniste, comme personnage principal. Le réalisateur du jeu, Shinya Hiratake, croyait pas que ça pourrait être un jeu de Mario au départ, parce que tous les personnages de Mario sautent habituellement. Donc il voulait enlever, il étant ceux qui voulaient faire le jeu, voulait enlever la mécanique de saut, parce que dans Captain Toad, tu ne peux pas sauter. Lorsqu'ils ont présenté l'idée de mettre Link comme joueur pour explorer des petits dioramas, on a parlé tantôt que c'est un peu comme des dioramas dans le sens d'une construction en 3D dans le vrai monde, sauf dans un jeu vidéo. Mais quand ils en ont parlé au chef de chez Nintendo, Miyamoto, au départ, pensait que les gens voulaient produire de vrais dioramas, donc ce serait des jouets qu'on achèterait en magasin. L'idée n'est pas devenue un jeu. Par contre, on leur a permis, une fois qu'on a compris que c'était dans un jeu vidéo, d'incorporer ça comme tableaux spéciaux dans Super Mario 3D World. Plus tard, Miyamoto les a encouragés à vraiment prendre les tableaux dans Mario, amener ça plus loin encore et faire un jeu au complet. Et c'est devenu Captain Toad Treasure Tracker. Et on donne dans le jeu la raison, en tout cas, ils disent pas dans le jeu spécifiquement, là, mais on présume que le fait que le Capitaine Toad, qui est apparu dans Super Mario Galaxy en premier, porte un grand sac à dos sur son dos, donc ça rend le tout lourd, donc il peut pas sauter à cause de ça, parce qu'en tant que tel, les Toads peuvent sauter. La compagnie Next Level Games qui a développé Super Mario Strikers ainsi que Mario Strikers Charged et le jeu dérivé de Luigi's Mansion Dark Moon avait essayé de vendre à Nintendo l'idée d'avoir un jeu de volleyball de Mario qui s'appellerait Super Mario Spikers au lieu de Strikers. Pendant le développement, c'était seulement connu sous le nom de Mario Volleyball. Tout ça avec des mécaniques de lutte, oui, dans un jeu de volleyball, et présenté comme si c'était un jeu télévisé. donc un game show. C'était supposé sortir sur la Wii. On a commencé à travailler là-dessus à la fin de 2006. Le développement a été annulé en 2007 après avoir raté complètement une réunion avec Nintendo. C'était un échec, cette réunion-là, pas qu'ils l'ont manqué dans le sens qu'ils sont pas allés. Le jeu avait été financé comme récompense après le travail de l'équipe sur les jeux Strikers. Donc, on avait donné de l'argent pour faire Spikers ou Volleyball. Et finalement, ça a amené nulle part. Tiens, revenons justement à Super Mario Strikers, le jeu de soccer. Il y a une affiche promotionnelle inutilisée de Super Mario Strikers qui a été créée et à l'ultime a été rejetée parce qu'on montrait, dans le fond, on montrait un filet avec deux ballons de soccer à l'intérieur et en dessous ça disait vous allez en avoir besoin d'une paire. Si vous allez avoir besoin d'une paire de, tu sais, vous savez ce que ça veut dire, hein? Mais une paire de ballons dans ce cas-ci. Et c'était peut-être un petit peu trop suggestif pour un jeu qui se destine à la famille. Le jeu de basketball Mario Hoops 3-on-3 sur la Nintendo DS. Pendant le développement, le jeu était supposé être une nouvelle propriété intellectuelle, donc une nouvelle série, ou en tout cas un nouveau jeu qui n'avait pas rapport avec Mario, mais Square Enix croyait que le jeu fonctionnerait bien si ça faisait partie de la série des Mario. Tout le monde doit se dire ça à un moment donné. Hein. Mon jeu, il me semble, ça serait un bon jeu de Mario, tu sais. Hein, pourquoi pas une 75e série de jeux de Mario, pour que tous les jeux, finalement, à la fin, soient des jeux de Mario. Donc, ils ont fait leur contact, comme il y avait à faire, ils ont suivi les procédures. Nintendo a donné la permission pour que la série de Mario soit utilisée pour le jeu, et c'est devenu un jeu de basket de Mario, parce que tous les sports sont passés par la sauce Mario. Le créateur de la série Super Smash Bros. Masahiro Sakurai a déjà dit que Super Smash Bros. Melee et Super Smash Bros. Brawl allaient être développés avec la connaissance au préalable qu'il n'y aurait pas de suite après. Donc quand ils ont fait Melee, il n'y avait pas de suite à ça, c'est fini, c'est le dernier. Et après ça, ils ont fait Brawl et c'est le dernier, il n'y en aura pas d'autres. Finalement, il y en a toujours eu d'autres et on est rendu à la version qui n'a pas vraiment de nom, qui s'appelle juste For Wii U. J'aurais vraiment aimé qu'ils trouvent un autre mot. T'sais, Melee, Brawl, c'est le fun! Un petit mot, quelque chose de catchy. Sur la page, nouvelle page du furteur à internet de la console New 3DS, vous savez qu'il y a un nouveau modèle de la 3DS qui sort au Japon là et qui va sortir bientôt, j'imagine, en Amérique du Nord. Mais il y a dans le furteur, il y a une page nouvel écran. Et si tu tapes le rythme d'ouverture de la chanson de Mario, là, la chanson thème d'origine, il y a une sélection de tableaux qui va apparaître à l'écran et ça va vous permettre de jouer à une version de Breakout. Donc avec l'adresse URL du site web que vous avez tapé, en tout cas que vous pourriez taper. Bref, Breakout, c'est Arkanoid, style qu'il y a une petite balle qui rebondit sur votre petite plaquette que vous devez contrôler la plaquette. Voilà, c'est tout pour cette édition de C'est un fait Tech Edition. Cette édition de l'édition tech de C'est un fait. Ouais, c'est tout. Malheureusement, c'est comme ça. On en demande plus, mais non, c'est refusé. Désolé. Ça va être tout pour le Mathieu Plante Show aussi. On se quitte là-dessus. C'était très amusant de passer un autre 2 heures ensemble. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mardis de 13h à 15h. On rappelle les jeudis de 16h à 18h. Je vous retrouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès C'est Fou les mercredis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur cifou.ca et retrouvez les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye!